petite histoire de la musique. Cette semaine, Roland de Lassus et Palestrina. Véronique Puchala. Au temps de Roland de Lassus et de Giovanni da Palestrina. Puissant Palestrina, vieux maître, vieux génie, je vous salue ici, père de l'harmonie, car ainsi qu'un grand fleuve où boivent les humains, toute cette musique a coulé de vos mains. Car Gluck et Beethoven, Rameau sous qui l'on rêve, sont nés de votre souche et faits de votre sève. Car Mozart, votre fils, a pris sur vos autels cette nouvelle lyre inconnue aux mortels, plus tremblante que l'herbe au souffle des aurores. Né au XVIe siècle, entre vos doigts sonores. Ces quelques vers, Victor Hugo les écrit en 1837, à la louange de Palestrina, bien sûr, mais peut-être plus encore à la louange du XVIe siècle. Au fond, Victor Hugo ne fait ici que cristalliser un désir profond qui le dépasse. Le désir d'un 19e siècle en quête de lui-même, en quête de ses racines, en quête de son passé. Thank you. La musique de Palestrina, comme celle de Roland de Lassus et de bien d'autres compositeurs du XVIe siècle, est encore aujourd'hui mal connue, ou en tout cas méconnue. À l'époque de Victor Hugo, elle est la plupart du temps complètement ignorée. Ce n'est qu'à l'extrême fin du XIXe siècle que commence à se manifester un véritable intérêt pour cette musique. Il y a les concerts de la Schola Cantorum et puis surtout il y a ceux de la Société des chanteurs de Saint-Gervais que dirige Charles Borde. Le compositeur Paul Ducas assistait en juin 1892 à l'un de ces concerts. Au programme des œuvres religieuses de Palestrina, dont le Sicut Servus que nous venons d'entendre, et puis des œuvres de Roland de Lassus. Un répertoire que Ducas défend dans ses critiques avec une opiniâtreté, avec un courage tout à fait exemplaire, quand on sait qu'à cette époque, la vie musicale est à la fois complètement balayée par le raz-de-marée wagnérien et ankylosée par la fascination des grands classiques. Lorsqu'un art, écrit Ducas, s'est épuisé en vains raffinements, en recherche exaspérée d'effets excentriques, en compromis de toutes sortes, au point d'en être venu à méconnaître ses origines et les conditions essentielles de son existence, il importe que se fasse la bienfaisante réaction qui lui rendra la notion de lui-même et l'empêchera de périr dans des manifestations purement formelles. L'heure nous semble venue où la musique, pour ne pas se perdre en stériles redites, devra effectuer un sérieux retour sur elle-même et remonter vers les sources d'où elle a jailli spontanément afin de retrouver sa raison d'être dans les œuvres qui forment son plus glorieux patrimoine. Ce qu'il faut rapporter de cette incursion dans le domaine du passé, poursuit Ducas, c'est le sentiment de la grandeur avec laquelle les anciens maîtres ont pratiqué un art trop souvent avili depuis eux. C'est la persuasion de la haute idée qu'ils se sont faite de sa portée. C'est en un mot le respect d'une tradition qu'ils incarnent d'une manière souveraine. Motet Domine Quando Veneris, daté des années 1566-1567. Thank you. évoquer le paysage musical du XVIe siècle à travers ces deux grandes figures que sont l'Italien Giovanni Pier Luigi da Palestrina et le franco-flamand Roland de Lassus, eh bien c'est déjà mettre en relation deux fortes personnalités de la musique, exactement contemporaines l'une de l'autre. Palestrina naît en 1526, soit 5 ans après la mort de Josquin des Prés. Roland de Lassus vers 1532. Ils mourront tous les deux la même année, en 1594. L'un est originaire de Palestrina, l'antique Préneste, au cœur de la campagne de la Sabine. L'autre voit le jour à Mons, dans le Hainaut, une région de l'actuelle Belgique. Mais cette opposition nord-sud suffit-elle vraiment à les distinguer? Suffit-elle à différencier nettement leur héritage culturel respectif? On connaît les liens politiques qui unissent le nord au sud à cette époque. On sait que toute l'école franco-flamande du nord de la France, de la Bourgogne et des Pays-Bas méridionaux vient en Italie se mettre très souvent au service des princes et de la papauté, et cela jusqu'à la fin du XVIe siècle. Les quelques éléments biographiques relatifs à la jeunesse de ces deux musiciens confirment cette translation nord-sud et montrent à quel point les traditions musicales de l'époque communiquent entre elles en se jouant des frontières. Prenons l'exemple de Roland de Lassus. Il n'a qu'une douzaine d'années lorsqu'il quitte sa Flandre natale pour Palerme, où il entre en qualité d'enfant de chœur au service de Ferdinand Gonzague, le vice-roi de Sicile. Il séjourne ensuite à Mantoue, la ville natale de son maître, et puis à Naples, lorsqu'il entre au service de Costantino Castriotto. C'est toute la vie artistique italienne qui s'ouvre à lui. C'est la réjouissance des fêtes de cour, c'est le charme naïf des villanelles, c'est la légèreté bouffe des canzones napolitaines inspirées de la Commedia dell'arte, dont Roland de Lassus saura plus tard s'inspirer. Io ti prego, cuna mia, lascia passare pizzeria, fai la statua marmorata, perché l'aura tu trovata, e non muori della tu, e non muori della tu. Oh, Lucia, sua mia canotta lì, sienta giorno della canta, sienta giorno. Fino a mia fretta malata, va cucina e capigliata, pura cacata, sienta, sienta maturata, sienta, sienta maturata, giorno a tua vol cantare, che vol tanto bene a te, che vol tanto bene a te, che vol tanto bene. Dans ces années 1545, où le jeune Roland de Lassus découvre l'Italie, eh bien Palestrina occupe, lui, depuis peu, la fonction d'organiste à la cathédrale de sa ville natale. C'est lui qui assure le travail quotidien du chœur, aussi bien aux répétitions qu'aux offices. Il n'a qu'une vingtaine d'années lorsqu'il est ensuite appelé à Rome par le pape Jules III pour diriger la maîtrise de la basilique Saint-Pierre. Et c'est là, véritablement, qu'il va s'imprégner de toute la grande tradition musicale du Nord. C'est là qu'il va faire exécuter les grandes messes franco-flamandes de Févin, de Compère, celles de Jean Mouton, de Josquin des Prés, et bien sûr, celles d'Antoine Brumel, ce musicien originaire de Chartres, élève d'Okeghem, qui vécut d'ailleurs dès 1505 en Italie, à Ferrare, jusqu'à la fin de sa vie, vers 1525. Là encore, un représentant de ces interpénétrations Nord-Sud au sein de la vie musicale de la Renaissance. Thank you. Cette messe à 12 voix, Et Ecce Terraemotus, d'Antoine Brumel, dont nous entendons en ce moment le Sanctus, a été conservée grâce à un manuscrit copié sous la direction de Roland de Lassus, au moment où celui-ci se trouvera à la cour de Bavière. Une manière de nous rendre compte de l'attachement profond que portaient aux maîtres du passé les grands compositeurs du XVIe siècle. Contrairement à Roland de Lassus, qui, on l'a vu, est amené dès son plus jeune âge à voyager à l'étranger, Palestrina ne quittera jamais son Italie natale. Il ne verra pas la France de Clément Jeannequin, ni l'Angleterre de William Byrd. La Flandre d'Okeghem, l'Espagne de Vittoria seront pour lui des paysages imaginés au fil des partitions qu'il étudie minutieusement à la manière d'un maître artisan. Demain pour évoquer la notion du sacré dans les œuvres religieuses de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Bonne matinée à tous.